L'hiver nous enlace et prend nos amours fonds par-dessus nos lueurs pour quelques rêves ou quelques étoiles qui fileront vers la voie à ça. Nous laissons voir, vêtus de blanc.